Bonjour à toutes et à tous qui nous retrouvez chaque jour pour le Mac d'Actu sur Radioactive. Et aujourd'hui, on va vous inviter à préparer vos baskets et vos lunettes de soleil pour participer à l'événement solidaire du dimanche 18 mai prochain à la Ville aux Dames. Et oui, c'est le grand retour de la Rainbow Run, un événement sportif, festif et haut en couleur organisé en soutien à l'association Salomé Ensemble C'est Tout. Alors Salomé, c'est une petite fille atteinte d'une amyotrophie spinale dégénérescente, une maladie rare qui demande des soins constants et du matériel spécialisé. Alors pour elle, pour sa famille et pour faire rayonner la solidarité, de nombreux bénévoles se mobilisent à nouveau à travers cette course pas comme les autres. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Kathleen Goujon, une des coordinatrices de l'événement et surtout une organisatrice engagée dans cette journée arc-en-ciel. Bonjour Kathleen. Bonjour Marlène, bonjour Radioactive. Alors d'abord Kathleen, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que l'association Salomé Ensemble C'est Tout et comment elle est née ? Alors l'association de Salomé Ensemble C'est Tout, c'est donc simplement pour permettre à ses parents d'avoir une possibilité de justement récolter des fonds pour subvenir aux besoins de Salomé. Puisque effectivement, elle a des besoins qui sont relativement coûteux et ça permet comme ça de simplifier au niveau de l'organisation d'événements comme celui-ci. Mmh. Et alors, la Rainbow Run, c'est quoi le principe et pourquoi Rainbow ? Rainbow, parce que ça représente bien l'arc-en-ciel d'émotions que peut nous procurer Salomé et sa famille, puisqu'on est tous très impactés par leur situation, même si eux n'en parlent pas particulièrement, et aussi de la joie, mais aussi on a envie de faire des choses pour eux, tout en simplicité. Voilà, des couleurs, ça représente bien. Et surtout, on va aussi en propager tout le long des 2 kilomètres qui vous seront proposés. Parce que Salomé, on peut le préciser, c'est une enfant du coin. Ce n'est pas une jeune fille qui habiterait Paris ou qui serait éloignée. Non, c'est vraiment une locale. Exactement, elle habite la Ville aux Dames. On imagine au combien ça peut toucher particulièrement la communauté proche de nous. Alors, c'est la 2e édition de cette Rainbow Run pour Salomé. Qu'est-ce qui a changé ou évolué par rapport à l'année dernière, Kathleen ? Alors, on fait exactement le même parcours avec effectivement des petites surprises. On ne peut pas faire plus puisqu'on est sur un territoire entre la métairie, les habitations, donc on est très limité. Mais ça ne changera en rien la bonne humeur, la joie que ces 2 kilomètres vont vous procurer, sachant qu'on peut de toute façon faire autant de tours que l'on souhaite, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Au niveau distance, vous en faites autant que vous voulez. Et voilà, on va proposer quand même une petite variation, c'est-à-dire qu'avant de courir, on va échauffer les muscles. Voilà, on aura donc un échauffement avant les 3 départs qui sera proposé. Sinon, sur la course en elle-même, voilà, on n'en dit pas plus pour le moment. C'est réservé à quel public ? Tout public. Tout public, c'est-à-dire que même les enfants peuvent participer ? Exactement, tout le monde peut venir, les enfants, parce qu'en fait, on peut courir, marcher, on fait ce qu'on veut. On peut venir aussi en poussette, en trottinette, en fauteuil, bien entendu, puisque c'est ouvert également. On a prévu un parcours qui est accessible au fauteuil. D'ailleurs, Salomé le fera avec nous. Elle sera donc présente sur cette journée. Exactement, Salomé, sa famille, les amis. On sera tous présents ce 18 mai. Qu'est-ce qui fait que vous récoltez des fonds ? C'est-à-dire qu'on s'inscrit à la course, on donne une participation, on mise sur un nombre de tours ? Comment ça se passe ? Alors en fait non, tout simplement on s'inscrit. Donc c'est 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants sur Eloasso. Donc là justement, vous pouvez faire autant de tours que vous souhaitez, il n'y a aucune limite. Et ce sera le même prix, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ça marche. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, Kathleen, je propose qu'on écoute L'Épo, L'Épo, un titre de Psirico et Pitbull. Pourquoi ce titre, Kathleen ? Oui, alors grâce à Tour Life Production, une entreprise de Chenonceau, nous allons avoir la joie d'accueillir une mascotte à nouveau cette année. Le papillon est en vacances, donc on aura une copine qui viendra à la place. Mmh. On n'en dit pas plus. Ah oui, d'accord. Et qui fera une belle chorégraphie sur cette musique. Eh bien, on l'écoute tout de suite, puis on va s'entraîner. Allez, c'est parti sur Radioactive. Allez, allez, allez. Mr. Worldwide. Allez, allez, allez. Piscinico. Allez, allez, allez. Let's go. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta do meu ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, lepo, lepo. Ha, ha, ha, ha, ha. Chase bank account was on negative and I ain't have a dollar to my name. But I still had women, I was still off the chain. It was still Toto Bang. Chico was a little rabbit, yeah. Even though my pockets looked like rabbit ears. Fast forward about 15 years, Copa Mundial Brazil, I'm here. In and out of a lot of things. I'm in love with the little things that make the big things happen. Get it, man? Le mando saludos a todas las favelas. Who cares what they tell us? Life is a deck of cards and we the dealers. Mommy, play with us. And now they ride, text that they miss me. Even back when I had nothing. Les peaux, mesdames et messieurs, sur Radioactive, c'était Psyrico et Pitbull. Et ce titre, vous pourrez l'écouter en direct live de la Ville aux Dames le 18 mai, puisque ce sera à l'image de la mascotte qui viendra animer cette Color Run en soutien à l'association Salomé Ensemble C'est Tout pour soutenir la famille de cette petite Salomé atteinte, en rappelons, d'une amyotrophie spinale dégénérescente, une maladie rare qui demande évidemment des soins, du matériel et pour ce faire, des fonds. Et c'est l'objet de cette journée du 18 mai. Kathleen Goujon est avec nous aujourd'hui, elle est coordinatrice de cet événement et elle est venue aujourd'hui nous parler spécifiquement de son programme. Alors comment ça va se dérouler le 18 mai, Kathleen ? Alors, on se greffe sur le modèle d'une color run, donc c'est-à-dire que le matin, c'est un événement sportif, donc vous pourrez faire le marcher, courir sur un parcours de 2 km avec une partie échauffement avant le départ. On propose sur Hello Asso 3 départs. Vous vous inscrivez soit à 10h10, 10h30 ou à 10h50, puis le départ se fait 10 minutes plus tard après l'échauffement. Donc ça, c'est la partie sportive du matin. Puis s'enchaîne dès midi. Vous aurez un coin restauration avec le food truck de Julie, un food truck ginépolitain. On aura le plaisir aussi d'avoir le SVD Basket qui proposera des sandwichs chauds. Et la buvette qui sera tenue par le Twenties, qui est aussi de la Ville aux Dames. Ensuite, l'après-midi s'enchaîne, hein, sans interruption. On a cette année la chance d'avoir un DJ qui est connu sur la place de Tours et de Nantes, qui est Fork & Soul. Donc on est content, il va nous animer tout l'après-midi. Vous aurez aussi l'association Cristalline qui proposera un spectacle comme l'année dernière, enfin cette fois-ci. Oui, elles étaient déjà là. Oui, voilà. Donc là, elles vont nous présenter leur nouveau spectacle. Nous sommes très contents et ravis de les accueillir à nouveau. Et donc, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Ryan de l'AFM Téléthon pour nous parler un petit peu de leurs actions. Le Téléthon qui permet, bien entendu, d'aider les personnes en situation de handicap et atteinte de maladies musculaires. Absolument, et qui font un travail considérable partout en France. On a une pensée pour notre ami Olivier qui vient régulièrement nous en parler sur cette antenne. Et nous aurons aussi une partie exposant, donc vous aurez le plaisir de pouvoir vous faire masser par Lucie Dutour, qui vient tout juste de s'installer sur Mont-Louis. Nous aurons Créadictive qui proposera des gravures sur porte-clés. C'est une entreprise de la Ville aux Dames. Nous aurons un caricaturiste du nom de Sia, très connu. Oh, vous avez Sia, quelle oui, chance on, l'a. On l'adore. Et nous aurons également les élèves de 3e du collège Pablo Neruda, collège de rattachement des enfants de la Ville aux Dames, qui font partie de la micro-entreprise et qui ont un projet qui sera en vente ce jour-là et qui sera également en faveur de Salomé. Donc voilà. Vous avez réussi à mobiliser pas mal d'acteurs et des acteurs très chouettes. Hein. Et ce n'est pas fini. Eh ouais, c'est pas fini. Ben, bravo en tout cas parce qu'on imagine que ça... Combien de bénévoles ça mobilise par exemple cette année ? Là, je pense qu'on va être aux alentours de 30 à 40 personnes. Ah oui, quand même. Et ça prend combien de temps organiser une color run comme ça et puis de mobiliser autant de participants ? On va dire qu'il faut bien s'y prendre 6 à 8 mois à l'avance. Ouais. Après, il y a des choses qu'on peut faire un petit peu en amont, mais pas énormément. Tout se fait un petit peu 2 mois avant, on va dire. Voilà. Et ça se termine à quelle heure ? Alors, on estime à peu près à 17h, la fin. Ok. Alors, parmi tous les bénévoles qui constituent cet orga, il y a aussi des assos ? Alors oui, cette année, on a le plaisir et la joie d'être soutenu par une association qui est très connue dans le monde du rugby. Il s'agit du Howard Hinton Sevens. Oui. Ils ont d'ailleurs un week-end qui s'annonce juste après le nôtre, très très chargé puisqu'ils font leur événement de l'année. Et cette année, ils consacrent du temps et des bras pour les événements en rapport avec l'association de Salomé. D'accord. Donc, ils devraient nous apporter main forte le matin. Voilà. Comme quoi, sport et solidarité ne sont jamais bien loin l'un de l'autre. Exactement. Concrètement, à quoi vont servir les fonds récoltés pendant cette journée ? Ou plutôt, avez-vous un exemple de ce à quoi ont servi les fonds récoltés de l'an passé, Kathleen ? Alors oui, justement, c'est en train de se faire actuellement. Grâce à la somme récoltée à l'édition 2024. Belle somme d'ailleurs. Très belle somme qui s'élève à presque 6 000 euros. Une porte va pouvoir être installée, qui est en train de se faire installer, pardon, au domicile de Salomé. Donc c'est une porte motorisée qui va lui permettre d'ouvrir avec son portable la porte et la fermer. Puisque jusqu'à maintenant, elle était embêtée à ce niveau-là, puisqu'elle ne peut pas gérer une clé. Donc là, elle va pouvoir être enfin autonome, entrer, refermer chez elle à volonté. Et ça, c'est vraiment une chose très importante dans son souhait d'être autonome. C'est une vraie fierté de participer, parce que c'est vraiment grâce à ce que l'on a apporté avec la première édition que ce projet va être financé. Salomé qui peut-être est à l'écoute de Radioactive et qu'on salue Salomé qui comprend parfaitement tout ce qui se passe puisque son handicap n'est que moteur. Exactement, oui, il n'y a aucun souci. Très bien, j'avais envie de te demander Kathleen, toi personnellement, pourquoi tu t'es impliquée dans cet asso ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que ça t'apporte de t'impliquer dans cette cause ? Alors tout d'abord, Salomé et ses parents sont des amis. Et en plus des voisins. Donc en fait, on suit ce qui se passe avec Salomé, on évolue avec elle et on est très contents parce que c'est une jeune fille d'ailleurs. Oui, j'avais dit je petite te corrige, fille. Désolée Salomé, excuse-moi si tu nous écoutes. Donc c'est une grande et jolie jeune fille qu'on a le plaisir de voir grandir et évoluer. Et donc nous, en tant qu'amis, je parle au nom de moi. D'accord, mais aussi de son entourage. Et on est tous en besoin de les aider, puisque c'est une famille qui est très pudique et qui ne demande rien à personne. Et par contre, nous, on a envie, on sait qu'on peut les aider. Et par le biais de ce genre d'événement, qui n'est pas le premier, hein, d'autres de leurs amis ont déjà fait des choses, des concerts, des petites actions, et voire des plus grandes qui aident au quotidien l'association de Salomé. Donc voilà, c'est un moteur pour nous tous. En tout cas, bravo. Bravo d'être autour de cette famille, autour Merci. De cette jeune fille qu'est Salomé pour lui apporter votre aide. On espère que vous serez nombreux le dimanche 18 mai à la Ville aux Dames pour cette journée placée sous le signe du sport, des couleurs et de la solidarité. Alors, si on veut participer, comment on fait en dehors de venir le 18 mai? Il faut peut-être mieux s'inscrire avant, on imagine. Tout à fait, sur Hello Asso, c'est conseillé. Pour les 300 premiers, vous aurez le droit à un petit kit de course, surtout, on va dire, un petit kit souvenir. Donc, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations sur la page Facebook qui a été créée, Rainbow Run pour Salomé. Vous aurez toutes les informations avec le lien Hello Asso pour vous inscrire le plus tôt possible. Et puis, de toute façon, on aura beau temps, donc ne vous inquiétez pas de ça. C'est sûr, on l'a commandé. Et quand vous dites les 300 premiers, l'an dernier, ça avait réuni combien de coureurs ou de participants? Eh bien, presque 350. Ah ouais. Mmh. Ah ouais, donc, on avait pu contenter tout le monde. Donc là, on fait pareil. Bon, puis au pire, sinon, il y a la chorégraphie avec la mascotte. Vous ne repartirez pas bredouille. Bon bah super, un dernier petit mot pour les auditeurs de Radioactive, de Mont-Louis, d'Amboise et des environs. Eh bien, chers auditeurs, n'hésitez plus, venez nous rejoindre, ça a été un moment super, inédit aussi sur la Vidéodame, mais également aux alentours. Donc venez, c'est coloré, joyeux et solidaire. Merci beaucoup Kathleen pour ta présence et ton énergie communicative, parce que quand on l'écoute parler, on a envie d'aller courir. Donc que vous soyez coureur, ouais, même moi, c'est pour dire que je courais quand même à un moment donné. Donc que vous soyez coureur, marcheur, fan de musique ou juste là pour soutenir, venez nombreux pour dire ensemble, Salomé, ensemble, c'est tout. Merci Kathleen, à très bientôt pour un nouveau mag sur Radioactive.